Chapitre 10e, le bois de Saint-Mandé. N'écoutez pas les gens qui vous diront « Charmant Saint-Mandé, avec ses villas coquettes, le joli bois qui lui sert de bordure, et son petit lac, dans lequel se mirent penchés sur l'onde des saules pleureurs, qui semblent vouloir y baigner leurs branches. Oui, charmant, absolument charmant, mais c'est si peuple. » « Si peuple ? Oh, bon Paul de Coq, toi qui as dépeint avec tant de verve naïve la franche et riche gaieté du commis et de la grisette, de ces couples amoureux, de ces familles de petits bourgeois ignorants de la villégiature, des courses de chevaux et des stations balnéaires, de tout ce monde dînant joyeusement sur l'herbe du bois de Romainville, de quelle indignation ne serais-tu pas saisi à cette appellation dédaigneuse du peuple, si tu n'avais pas quitté ce monde où tu paraissais tant te plaire, pour un autre qu'on dit meilleur, ce dont tu as peut-être douté. Pauvre cher romancier de nos pères, a-t-on assez calomnié ces livres, dont la mère interdit la lecture à sa fille, ces livres qui n'ont corrompu personne et ont mis en joie plusieurs générations? Oh, c'est bien fini de rire aujourd'hui. Le roman d'analyse, le roman psychologique, le roman naturaliste ont remplacé la laitière de Montfermeil, mon voisin Raymond, la pucelle de Belleville et M. Dupont, œuvres égrillardes, mais plus saines que la dissection du cœur humain qui fait le fond du roman moderne. C'est la nature même, nous dit-on. Et Paul de Kock est un fantaisiste. Fantaisiste pour la forme, c'est possible. Mais il ne nous a montré que des personnages foncièrement honnêtes. Et ces grisettes, dira-t-on, étaient-elles honnêtes? Ah, passons-leur l'amant auquel elles restaient fidèles, heureuses d'une gibelotte qu'il leur offrait le dimanche à la campagne et d'une deuxième galerie à l'ambigu une fois par mois. Écoutons Henri Murger à propos des grisettes, et il s'y connaissait, celui-là. Ces jolies filles, moitié abeilles, moitié cigales, qui travaillaient en chantant toute la semaine, ne demandaient à Dieu qu'un peu de soleil le dimanche, faisaient vulgairement l'amour avec le cœur et se jetaient quelquefois par la fenêtre. Race disparue maintenant, grâce à la génération actuelle des jeunes gens. Génération corrompue et corruptrice, mais par-dessus tout vaniteuse, sotte et brutale. Pour le plaisir de faire de méchants paradoxes, ils ont raillé ces pauvres filles à propos de leurs mains mutilées par les saintes cicatrices du travail, et elles n'ont bientôt plus gagné assez pour s'acheter de la pâte d'amande. Peu à peu, ils sont parvenus à leur inoculer leur vanité et leur sottise, et c'est alors que la grisette a disparu. C'est alors que naquit la lorette, race hybride, créatures impertinentes, beauté médiocre, demi-chair, demi-ongans, dont le boudoir est un comptoir où elles débitent des morceaux de leur corps comme on ferait des tranches de rosbif. Les femmes de Paul de Kock, mais le mot est resté si les modèles ont disparu. Vieux jeu que la punition du vice et la récompense de la vertu au dénouement de toutes ces œuvres démodées, dit-on. Tant pis, si le contraire qu'on nous montre aujourd'hui est la vérité. Si les filles se vendent aux plus offrants au lieu de se donner aux plus aimés, si au goût des économiques parties champêtres des bourgeois disparus, a succédé le besoin de faire du genre ruineux chez le bourgeois moderne, Paul de Kock nous a montré un monde aimable. Le monde qu'on nous présente aujourd'hui est bien laid, et si les livres doivent porter un enseignement, la génération que nous prépare le roman de la nouvelle école fera regretter celle qu'ont charmé les romans de Paul de Kock. Comme celui qui l'a illustré, le bois de Romainville n'est plus qu'un souvenir. C'est sur les vastes pelouses de Saint-Mandé et de Vincennes, dans le bois le plus admirablement pittoresque, que chaque dimanche d'été, d'innombrables familles d'artisans vont s'installer vers l'heure du déjeuner. Ce jour-là, à la porte de tous les épiciers et marchands de vin de la riante petite ville, de grandes affiches attirent les regards. On y lit ces mots « Vin pour le bois ». C'est là que tous les braves gens vont s'approvisionner de plus ou moins de liquide, selon l'importance de la famille. Les charcutiers, les boulangers, eux aussi, sont assaillis par les consommateurs du bois, depuis le pauvre ménage qui l'arrosera d'un demi-litre à 12, jusqu'aux heureux qui, au poulet froid cuit chez eux et apporté dans un vaste panier avec beurre, couteau, sel, poivre, moutarde et nappes, peuvent ajouter le succulent jambonneau, le pâté chaud et la galantine truffée, jusqu'au café préparé à la maison et qu'on réchauffe dans la cafetière à alcool. Les pères et mères de famille se sont même munis de jeux pour les enfants et les adultes. À ceux-ci les raquettes et les volants, à ceux-là le cerceau, la corde et le ballon, et entre les deux repas, les hommes en bras de chemise fument leurs pipes allongées sur l'herbe. Les mamans, en femmes, économes, ont quitté leur robe et endossé une camisole. Et ce sont des culbutes, des éclats de rire, dont se réjouissent les passants, tout autant que ceux qui leur donnent ce spectacle. Et non loin de ces heureux groupes, la note attendrissante. Un pauvre jeune ménage, père, mère et enfant, digne d'un petit morceau de jambon, en regardant les voisins mis en joie par d'abondantes victuailles, et dont la gaieté bruyante amuse le pauvre petit, heureux du pain d'épices d'un sou que sa mère a pu lui donner. Et que de perspectives merveilleuses dans ce bois sans rival, que de tableaux pour un paysagiste, que d'études pour un écrivain, quel grouillement sur ces tapis verts s'étendant à l'infini, et quel joyeux écho sous ces voûtes de feuillage où se répercutent les rires partis de ces gazouillements énormes. Et les joueurs de boules constituant société, et le chalet-restaurant avec son concert, ce restaurant où, chaque samedi et jeudi d'été, se rencontrent, comme il a été dit, des noces plus riches de gaieté que d'argent, et le manège de chevaux de bois, où vont se reposer de la danse les mariés, les parents et les amis des nouveaux époux, et Guignol, offrant à l'enfance la tentation de Saint-Antoine, avec enlèvement du sein par le diable, sur l'air de la valse des roses, remettra. Tu n'avais pas prévu que ton rythme si voluptueux et si tendre serait un jour la marche infernale qui conduirait le solitaire de la Thébaïde au séjour des damnés. Mademoiselle Pied-de-Vache montra à ses invités les pelouses désertes ce jour-là. « C'est demain, dit-elle, que ce sera curieux, noir de monde, le dimanche. Il faudra venir un dimanche. Aujourd'hui, c'est le jour des mariés. Tenez, on danse. Entendez-vous la musique ?»« Oui, dit Athalie, c'est une polka. Oh, que j'aime ça, la polka. Et vous, monsieur Bengali, polquez-vous bien ?»« Élève de gris d'égout, mademoiselle, tenez. » Et en lassant Athalie, il l'entraîna dans une polka vertigineuse. « Oh, maman !» cria la jeune fille ravie, « comme il polque bien !» Les époux Jujube étaient bien un peu humiliés de voir polquer leur fille en plein chemin, mais ils attribuèrent l'acte spontané de Bengali à un sentiment de bon augure, au plaisir de tenir Athalie dans ses bras. Et d'ailleurs, on n'était pas exposé à rencontrer personne de connaissance dans un bois fréquenté par de petites gens. Et puis, il était de bonne politique d'applaudir à tout ce que dirait ou ferait la tante et le neveu. Or, Mademoiselle Pied-de-Vache riait fort de cette danse improvisée par son Bengali gâté et s'extasiait sur la gaieté exubérante de ce cher enfant. La vérité est que le cher enfant s'étourdissait, que la pensée de Georgette ne le quittait pas et qu'un dépit bien près de devenir un chagrin se cachait derrière cette gaieté factice. On approchait du lieu de rendez-vous des mariés. Déjà des gens de noces se montraient. Là, un jeune couple, bras dessus, bras dessous, marchant d'un pas de promenade en causant à demi-voix. Ici, des groupes munis de petits pains de seigle. « Tenez, » dit Mademoiselle Pied-de-Vache, « ils vont jeter ça aux canards et aux cygnes du lac. Encore un des plaisirs du bois. C'est très amusant, tous ces canards qui se disputent goulûment ce qu'on leur jette. Et les cygnes qui battent les canards pour avoir tout. Allons donc voir ça, c'est à deux pas. » Jujube se tourna vers les distributeurs de pains de seigle et s'arrêta en avançant sa poitrine comme si l'on ne voyait pas sa croix, mais on l'avait vue, et on la regardait en ricanant. « C'est probablement un garde-champêtre qui est d'une des noces, » dit l'un des passants. « Ça ne peut être que ça, » répondit un autre. Jujube, qui comptait sur un autre genre d'admiration, se retourna avec humeur, et prétextant de son impatience de voir le bal, entraîna Mademoiselle Pied-de-Vache. « Nous voilà rendus, » dit celle-ci. En effet, on était arrivé en vue de l'emplacement, but de la promenade, et du terrain surélevé où l'on se trouvait. On embrassait d'un coup d'œil le spectacle des curieux qui entouraient l'établissement du chalet, les consommateurs attablés, et au milieu de ceux-ci, quatre noces, polquant pêle-mêle, heurtant les garçons chargés de bocs. On distinguait trois jeunes mariés, et au manège de chevaux de bois établi à quelques pas de là, une quatrième chevauchant en posture d'amazone près de son mari qui avait enfourché le coursier voisin. « Entrons, » dit la tante. Garde champêtre, grommelait Jujube, dont le désir d'être contemplé avec respect s'était refroidi. La petite porte d'entrée était obstruée par la foule. Mademoiselle Pied-de-Vache tenta de se frayer un passage. Mais ne poussez donc pas, madame, lui dirent les personnes qu'elle voulait écarter. Qu'est-ce que c'est? Elle arrive la dernière et elle veut passer devant, dirent d'autres voix. « Monsieur Jujubes, dit-elle alors, passez le premier, votre croix fera ranger le monde. » Jujube essaya son prestige, mais un rire éclatant fit se retourner la foule, et alors ce fut un élan de gaieté générale. C'était l'effet de la croix. « Manant, grommelait le légionnaire. « Garçon, cria la vieille demoiselle, nous voulons entrer, et nous ne le pouvons pas. « Allons-nous-en, disait Madame Jujube. Mais Bengali intervint et écarta brusquement les légionneurs. « Dégagez la porte !» cria le maître de l'établissement, attiré par le bruit, « ou je vais envoyer un garde !» On obéit à cet ordre, et Mademoiselle Pied-de-Vache put pénétrer avec sa société au milieu des rires ironiques de la foule. « Une table !» dit Bengali. « Pour nous seuls !» ajouta la tante. « Nous sommes cinq !»« Par ici, mesdames et messieurs !» La société traversa non sans peine la cohue conjugale, et fut, enfin, s'asseoir à une table près de laquelle se trouvait un agent en uniforme. Cet ancien militaire porta la main à son képi au passage de Jujube, à qui cet hommage fit oublier la qualification de garde champêtre et les rires moqueurs des goujats de la porte. On servit des bocs, des sirops et des petits gâteaux dont la vue fit faire la grimace à la famille Jujube. « Ça ne vaut pas le lunch exquis et distingué que vous m'avez offert, grand maître, » dit Bengali, « mais à la guerre comme à la guerre. » « Certainement. » répondirent les deux époux. « Ils ne sont pas de chez Frascati, » affirma Tali en mangeant un gâteau. « Mais qu'est-ce que ça fait ?»« Nous ne sommes pas fiers, » dit Jujube. « Nous savons nous prêter aux circonstances, » confirma Madame Jujube. Un prélude de valse se fit entendre. Aussitôt, un tumultueux mouvement se produisit. Ce n'était que bras s'avançant, que taille s'offrant aux enlacements, que balancement de couple prêt à tourbillonner aux premières mesures du rythme à trois temps. « Une valse, mademoiselle ?» demanda Bengali à Tali, et sans attendre la réponse, il enlaça la jeune fille, et tous deux se joignirent au flot des valseurs. Jujube fit mine de s'opposer à ce que sa fille valsât en pareil lieu, surtout se mêla des noces auxquelles elle n'était pas invitée. « Chaque noce croira qu'elle est d'une autre, » fit remarquer mademoiselle Pied-de-Vache. « C'est une si bonne occasion de laisser ensemble ces chers enfants. » Madame Jujube appuya ce raisonnement, et Jujube se résigna. La valse finie, Bengali ramena Tali rouge, essoufflée mais radieuse. « A-t-elle chaud ?» dit sa mère. « Oh, ce n'est rien, maman. Quel plaisir que d'avoir un valseur comme M. Bengali. Mais, lui dit-elle en souriant, vous me serriez trop fort. » « Il la serrait trop fort. Ça va très bien, » murmura Mademoiselle Pied-de-Vache aux oreilles des parents. « Alors, vous ne voulez plus danser avec moi ?» demanda l'éminent valseur en riant à son tour. « Oh, je ne dis pas ça !»« C'est assez, ma fille, » déclara Jujube. « Repose-toi, et nous nous en irons après. »« Quand vous voudrez, » fit la tante. « Oh, papa, encore une, rien qu'une !»« Mais, ma fille, laissez-la donc, » dit bas la vieille demoiselle au père d'Athalie. « Ça va si bien !» Jujube céda encore une fois, et la mère présenta à sa fille un verre de sirop qu'elle lui avait préparé. « Un quadrille !» crièrent des voix. « Non, non, une valse, une polka !» répondirent d'autres voix. « Les vieux, une valse, ni une polque !» cria une voix de stentor. « Un quadrille pour eux !»« Oui, oui !» acclama-t-on en masse. Bengali avait prêté l'oreille et se disait « Je connais cette voix-là. »« Allons !» dit Mademoiselle Pied-de-Vache à son neveu. « C'est la dernière. Invite Mademoiselle et nous partirons après. » Athalie n'attendit pas l'invitation. Elle se leva, prit le bras de Bengali, et tous deux se mêlèrent à la foule des couples cherchant une place. Et c'était un bruit assourdissant de danseurs criant « Un vis-à-vis !»« Voilà, voilà, par ici, en place, on commence !» En effet, le prélude du quadrille se faisait entendre. « Il manque un vis-à-vis !» fit une voix. « Voilà !» répondirent Athalie et son cavalier. Et ils se mirent immédiatement à la chaîne anglaise déjà commencée. Bengali saisit vivement la main de femme tendue vers lui et sursauta tout bouleversé. Cette main, qu'il avait prise en enchaînant et qu'il ne tenait déjà plus, c'était celle de Georgette, et la jeune fille, qui n'avait pas regardé son vis-à-vis dans cette évolution machinale, avait présenté sa main au danseur suivant, et quand, la figure achevée, notre amoureux se retrouva à sa place, il s'aperçut qu'il avait pour vis-à-vis Georgette, tout en blanc, comme une mariée, et un bouquet à la ceinture. Georgette, qui ne le voyait pas encore, occupée qu'elle était, de répondre avec sa gaieté ordinaire à son cavalier, un très joli garçon, fort empressé auprès d'elle. Le quinderie était croisé, c'est-à-dire doublé par des danseurs placés aux côtés latéraux et alternant, à chaque même figure, avec ceux du premier quinderie. Bengali ne quittait pas Georgette des yeux, au grand étonnement d'Athalie. Tout à coup, il poussa un cri de douleur. « Faites donc attention, monsieur, vous m'avez écrasé le pied. »« Rangez vos pieds, » répondit brusquement le monsieur, de la même voix remarquée par Bengali. Nouvelle stupéfaction de celui-ci, c'était marocain, dansant avec une femme d'une hauteur invraisemblable et d'une maigreur équivalente. « Oh, madame Blanquette !» fit Athalie en se retournant vivement. « Qui ça, Blanquette ? Cette grande dame, c'est la noce de sa fille. Allons-nous-en, je ne veux pas qu'elle me voie ici. » Bengali ne comprenait pas. « Je vous expliquerai cela, reconduisez-moi. » Il la reconduisit, prétexta quelques mots à dire à un individu de sa connaissance qui l'avait aperçu. « Ne m'attendez pas, » ajouta-t-il. « Ma tante, monsieur, mesdames, allez devant, je serai à la maison un quart d'heure après vous. » Et il se mit aussitôt à la recherche de Georgette, marchant de l'allure de quelqu'un qui n'a pas eu le pied écrasé, bousculant tout le monde pour se frayer un passage, n'entendant même pas les clameurs qu'il soulevait, et enfin, il se heurta d'un Marocain, ayant au bras son immense danseuse. Il dissimula sa mauvaise humeur, salua la dame, et dit gaiement à un Marocain « Je ne vous demande pas de vos nouvelles. Je viens de vous voir danser, même danser sur mon pied. J'en boite encore. » « Je vous fais mes excuses, » répondit Marocain, « mais dans une pareille cohue... »« Oh, monsieur Marocain, vous êtes tout excusé. »« Et vous êtes de noces, à ce que je vois, monsieur Marocain ?»« Oui, nous sommes à la noce de la fille de madame Blanquette, que je viens de faire danser. »« La filleule de ma femme est la demoiselle d'honneur de la mariée. »« Ah, la fille de madame Marocain est ici ?»« Gaffard, » murmura Marocain, plus haut. « Elle vous faisait vis-à-vis. » ajouta-t-il. « Ah, vraiment ? Je n'ai pas remarqué. » Elle dansait avec le garçon d'honneur. Et Marocain ajouta, en jetant un regard d'intelligence à grand ressort, « Son fiancé. » Bengali resta abasourdi et balbutia. « Ah, son... Oui, une nouvelle noce pour nous, dans 2 mois. Mais pardon, j'ai à reconduire madame. Enchanté de vous avoir rencontré. » Marocain s'éloigna et dit à madame Blanquette, qui le questionnait du regard, je lui dis que Georgette se mariait pour qu'il renonce à ses tentatives. Je vais vous conter cela.